إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، celui, frère en Allah Azza wa Jal, qui médite la situation de la communauté, il voit qu'il y a beaucoup de dangers qui guettent cette communauté. Et les dangers sont divers. La division, les divergences, les voies différentes. Et en plus de ça, ceux qui sont sur la voie de la vérité, parmi eux, il y a ceux que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a appelé le mukhadhiloun, qui veulent sortir les gens de la vérité par des ruses, et qui veulent faiblir les gens de la vérité. Mais la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, les hommes de science, et les prêcheurs de la voie des puzzayeurs ont montré, ils ne cessent de montrer la voie droite et la vérité, et ils orientent les gens vers la voie droite et vers la vérité. Cette voie dont l'origine c'est le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, avec la compréhension des pieux ridwanullahi alayhim, des pieux prédécesseurs ridwanullahi alayhim. Cette voie sur laquelle nous a éclairé le Coran, nous a éclairé aussi le messager alayhi salam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que les divergences il va y avoir dans cette communauté. Mais il nous a montré aussi le chemin, hein, avec lequel on sera épargné et qui va nous amener vers la droiture. Et les hommes de science et les prêcheurs de cette voie ne cesse d'appeler les gens à revenir vers la voie de leur puzzayeur, vers la voie de leur puzzayeur, radhiyallahu alayhim, et ne cesse de leur conseiller de se cramponner à cette voie. Et cette voie, il est clair, il est sur des bases solides, et tout un chacun doit se cramponner à cette voie-là, même si les disciples dans cette voie sont peu nombreux, même si ceux qui sont en divergence avec cette voie et qui ceux qui ont dévié de cette voie sont nombreux. Car la fin de cette communauté ne verra le bien qu'avec ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Et les moyens qu'ont utilisés les hommes de science sont nombreux pour éclairer les gens actuellement sur la voie des pieux, ridwanullah alayhim, et pour prêcher les gens vers cette voie. Fait partie de ces moyens l'interprétation et l'explication du livre de l'Aqidah et l'explication de la voie des pieux, ridwanullah alayhim, par différents styles et par des styles et des expressions qui sont très faciles, qui se captent par tout un chacun, tout en montrant la voie, les voies sur lesquelles sont les divergents et ceux qui ont dévié de la voie des pieux, ridwanullahi alayhim. Et aussi, par des études poussées et très détaillées, qui éclairent sur la voie des pieux et sur leurs croyances, dans un sens général, donc sur tous les sujets en général, et sur des sujets bien particuliers, ah, des fois sur des sujets bien particuliers, quand le besoin s'en ressent, comme l'obéissance au gouverneur et autres. Et aussi par le moyen des répliques, et par le moyen de répliquer à ce que, aux erreurs des innovateurs, et ce qu'écrivent les innovateurs, et ils émettent des avertissements pour que les gens s'éloignent de ces innovateurs et de ces innovations. Et ils montrent aux gens la vérité dans tout ça et la sunna dans tout ça pour qu'ils se détournent de la voie de la déviance. Plus de ça, ils utilisent aussi différents moyens comme les verdicts, comme les conférences, comme les écrits et les dépliants qui ont un impact sur les gens. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense comme il se doit nos hommes de science qui accomplissent ce grand devoir et qu'il nous donne à tous la sincérité dans nos paroles et dans les actes. Et que Allah subhanahu wa ta'ala préserve ces hommes de science dignes du nom et dignes du conseil, hein, et qu'ils nous fassent profiter de leur conseil et de leur science. Et ces sagacités qui vont suivre, nous allons essayer d'éclairer la situation sur les erreurs et sur les erreurs de certains qui disent, pour combattre la voix des purs d'Allah alayhim, que Cheikh Rabi, Hafidahullah, et Cheikh Ubaid, et Cheikh Mohamed ibn Hadi, ainsi que Cheikh Abdallah al-Bukhari, Cheikh Ahmed Bazmoul et d'autres exagèrent sur les répliques. Ils n'ont aucun souci que cela. Pour essayer d'anéantir cette ambiguïté qui est dangereuse. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur une réplique d'une éminence de science qui est Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, une réplique qu'il avait faite en 1411 à Dr Ramadan Al-Bouthi. Car beaucoup aussi disent, Cheikh Al-Fawzan ne voit pas le fait de répliquer. Alors que ceux qui propagent ce genre d'ambiguïté prétendent, parmi la jeunesse de France, étudier auprès de Cheikh là-bas à Riyad. Alors que Cheikh lui-même, il a des répliques. Il a répliqué à Ramadan al-Bouthi et il a répliqué à d'autres. Il y a deux recueils qui sont une série de répliques au livre. Il y a certains écrivains. Et celle que j'ai devant moi est l'une des répliques de Cheikh Hafidahullah Ta'ala qu'il avait faite en 1411. Docteur Ramadan al-Bouthi de Syrie. Et dans cette risala, nous allons aussi voir que tout ce que propagent certains sur Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, que ce sont des ambiguïtés, comme quoi ils disent que Cheikh Al-Fawzan ne voit pas le fait de s'appeler Salafi. Hein? Et beaucoup, que ce soit en Belgique, hein? Ou que ce soit en France, hein, certains disent non, il n'y a pas lieu. Certains, Cheikh Al-Fawzan, il dit qu'il ne faut pas s'appeler. Et nous devons faire très attention à ces insensés qui parlent et qui disent des choses et qui attribuent des choses aux éminences de science qu'ils n'ont pas dites. Et il ne faut pas qu'on oublie, frère en Allah, Azzawajal, que ces répliques font partie de la science. Et qu'il est obligatoire pour nous, comme disent les hommes de science, de connaître la vérité et le faux, pour qu'on ne tombe pas dans le faux. Et dans tout ça, nous devons être dans un juste milieu. Ni laxisme, ni extrémisme. Dans un juste milieu, comme l'était Nupuzer d'Allah alayhim. Et dans cette réplique qu'a fait Cheikh, son éminent Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, Ramadan al-Bouthi, il lui a répliqué sur 41 erreurs. Il lui a répliqué 41 erreurs. Ramadan al-Bouthi avait écrit un livre, une risala qui s'appelle Salafia est une période bien précise qui est terminée. Le sens à peu près de son titre. Cher Al-Fawzan, de faire sa réplique, vue et réplique à ce qu'il y a dans le livre La Salafia de Mohamed Saïd Ramadan al-Boudri, écrit par Cheikh Fawzan au 1411. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de cette, de la science, des hommes de science. Et Cheikh Hafidhahullah de commencer sa risala ainsi: louange à Allah qui a envoyé son messager avec la science bénéfique et la religion de vérité. Alhamdulillah, alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al haqq li yudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Cheikh a commencé ainsi sa risala. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la science bénéfique et avec la religion de vérité pour que cette religion prenne le dessus sur toutes les autres religions. Et Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin, et j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et qu'il n'a pas d'associé, et j'atteste que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager. Prière et salutation sur lui et sur sa famille et ses nobles compagnons. يقول وبعد فقد اطلعت على كتاب من تأليف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بعنوان السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي. Il dit حفظه الله تعالى: j'ai eu connaissance du livre, j'ai lu le livre de qui est écrit par docteur Mohamed Saïd Ramadan al-Bouti, dont le titre La Salafia est une période bénite, et ce n'est pas une voie islamique. Est une période bénique dans le temps, et ce n'est pas une voie islamique. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: فاستغربت هذا العنوان لما يوحي به من إنكار أن يكون للسلف مذهب ومنهج تجب علينا معرفته والتمسك به وترك المذاهب المخالفة له. Il dit حفظه الله تعالى: j'ai trouvé étrange ce titre, parce que ce titre annonce comme quoi salaf, ils n'avaient pas une voie qu'il est obligatoire de connaître et à laquelle il est obligatoire de se cramponner et de délaisser les autres voies qui sont en divergence avec la voie du salaf. يقول ولما قرأت الكتاب وجدت مضمونه أغرب من عنوانه حيث وجدته يقول فيه إن التمذهب بالسلفية بدعة ويشن حملة على السلف ويشن حملة على السلفيين. Il dit, mais quand j'ai lu le livre, j'ai trouvé que le contenu du livre est encore plus étrange que le titre. Trouvé dedans qu'il dit que le fait de prendre la voie salafie est une innovation. Et le livre est une grande attaque sur les salafis. Regardez, salafi, il a dit, et c'est une grande attaque à l'encontre des salafis. Il a utilisé le mot سلفي أخي الإسلام. Fais attention à ce que tu entends. يقول ونحن نتساءل هل الذي حمله على أن يشن هذه الحملة الشعواء على السلفية والسلفيين الحملة التي تناولت حتى القدامى منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هل الذي حمله على ذلك كراهيته للبدع فظن أن التمذهب بالسلفية بدعة فكرهه لذلك. Il dit حفظه الله تعالى: on se pose la question, est-ce qui l'a poussé à amener cette guerre sur la salafia et les salafis? On écoute dans l'introduction, ça fait la deuxième fois que Cheikh il utilise le terme et les salafis. Il a dit ces attaques qu'il fait contre les salafis, que ce soit même les anciens, cette attaque concerne aussi les anciens, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh l'Islam Ibn Wahhab. Est-ce que ce qui le pousse à la faire, c'est le fait de détester les innovations, et il a cru que le fait de prendre la voie des salafis est une innovation, il a détesté cela. Il dit le Cheikh Al-Fawzan, Kalla, ليس الحامل له كراهية البدع لأننا رأيناه يؤيد في هذا الكتاب كثيرا من البدع يؤيد الأذكار الصوفية المبتدعة ويؤيد الدعاء الجماعي بعد صلاة الفريضة وهو بدعة ويؤيد السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بدعة. Il dit non. Ce qui l'a poussé à écrire et à être virulent avec les salafis, ce n'est pas qu'il déteste les innovations, car nous lui avons vu dans ce livre beaucoup d'innovations. Hein? Il est d'accord avec les invocations soufis innovées, et il est d'accord avec les du'a en groupe après la prière obligatoire, et ceci est une bid'a. Et aussi, il est d'accord avec le fait de voyager spécialement pour visiter la tombe du prophète alayhi salam, et cher de nous dire ça c'est une innovation. يقول الشيخ حفظه الله الشيخ الفوزان فاتضح لنا والله أعلم أن الحامل له على شن هذه الحملة هو التضايق من الآراء السلفية التي تناهض البدع والأفكار التي يعيشها كثير من العالم الإسلامي اليوم وهي لا تتلائم مع منهج السلف. Il dit, حفظه الله تعالى, il nous est apparu, il sauf Allah subhanahu wa ta'ala sait que ce qui le pousse à attaquer comme ça, hein, les positions salafis, et à être dérangé par les positions salafis, ce qui le pousse à tout ça, c'est parce que les positions salafis et l'opinion salafis, hein, est le contraire. Et les positions salafis combattent les innovations et les pensées que vivent beaucoup de gens dans le monde musulman aujourd'hui. Et ces innovations et ces pensées qui ne sont pas, qui vont pas de pair avec la voie des salaf. يقول وقد ناقشت في هذه العجالة الآراء التي أبداها في كتابه المذكور حول السلفية والسلفيين. Il dit et j'ai débattu rapidement ces opinions qu'il a émis dans son livre cité ici, ces opinions qu'il a émis sur la salafia et les salafis. Encore, hein, éveille-toi frère en Allah Azza wa Jal. Tu as bien entendu, c'est écrit dans le livre de Cheikh Fawzan, salafia et les salafis. وَذَلِكَ مِنْ خَلِيَالِ التَّعْقِيبَاتِ الْآتِيَا. Et ceci à partir, hein, des erreurs qui suivent. وَهِيَ تَعْقِيبَاتٌ مُخْتَصَرَةٌ تضع تصورا لما يحتويه كتابه من آراء هي محل نظر. وإذا كان الدكتور يعني بحملته هذه جماعة معينة فلماذا لا يخصها ببيان أخطائها دون أن يعمم الحكم على جميع السلفيين كم تي أنتوندو المعاصرين وحتى بعض السابقين منهم. Il dit, ils ne sont que, hein, des répliques à certains erreurs, des répliques très courtes, qui vont te donner une image de ce que contient ce livre comme, hein, comme mauvaise position et mauvaise opinion. Ici, le docteur, avec ses attaques, il voulait un groupe bien précis. Pourquoi il ne lui a pas parlé directement en montrant les erreurs de ce groupe sans faire des généralités et sans juger tous les salafis? Regarde encore une fois le terme salafi. Tout en imitant ses jugements et ses opinions sur tous les salafis contemporains et même certains anciens. Dans cette introduction de Cheikh, hein, de Cheikh Fawzan Habibullah, j'ai compté 8 fois il a utilisé le terme salafi et salafia. 8 fois. Rien que dans une page et demie. Une page et demie d'une petite risala. Il a utilisé 8 fois ce terme, salafia, salafi. Qu'on fasse très attention. Maintenant, à la réplique. التعقيب الأول لبرومية ريبليك قوله في العنوان السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب الإسلامي انتهى كلامه. La première réplique concernant le titre déjà. Le titre qu'a donné Ramadan al-Bouti, la salafia, c'est une période dans le temps bénite, et ce n'est pas une voie islamique. يقول الشيخ الفوزان هذا العنوان معناه أن السلف ليس لهم مذهب يعرفون به وكأنهم في نظره عوام عاشوا في فترة من الزمن بلا مذهب. الشيخ حفظه الله تعالى يدير ستيتر veut dire que les salafs n'avaient pas une voie avec laquelle ils étaient connus et que aux yeux de la Madal Beauté ce sont des communs qui ont vécu à une époque sans voix. Ajib, hein? يقول الشيخ الفوزان وأن تفريق العلماء بين مذهب السلف ومذهب الخلف تفريق خاطئ لأن السلف ليس لهم مذهب وعلى هذا لا معنى لقول رسول الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين il dit حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان et quand les hommes de science font la différence entre la voie des pieux aïeux et la voie des khalaf il dit ceci c'est une division qui est fausse car salaf n'avait pas de voix il dit Et partant de là, la parole du messager alayhi salam, comprenez-vous à ma sunna, il est à sunna du khalif bien guidé, ne veut rien dire, il n'a aucun sens. وقوله لما سئل عن الفرقة الناجية من هي قال هم من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي لا معنى لهذا كله لأن السلف ليس لهم مذهب et Cheikh Fawzan de nous dire et aussi quand on a posé la question à Rasoul صلى الله عليه وسلم Ah, qui est le groupe sauvé? Il a dit ceux qui sont sur la même voie que moi aujourd'hui et mes compagnons. Ceux qui sont sur la même voie, moi et mes compagnons aujourd'hui. Il dit, ça veut dire que ces paroles du prophète n'ont aucun sens si salaf n'avait pas de voix. Si les salaf n'ont pas de voix, si salaf n'avait pas de voix, donc ça veut dire que tout cela n'a aucun sens. يقول ولعل قصد الدكتور من ذلك هو الرد على الذين يتمسكون بمذهب السلف في هذا الزمان ويخالفون المبتدعة والخرافيين الشيخ حفظه الله تعالى de nous dire que peut-être que le but du docteur Ramadan Al-Bouti c'est qu'il veut répliquer à ceux qui se cramponnent à la voix des salaf à notre époque et qui sont en divergence avec les innovateurs et ceux qui sont dans les histoires à dormir debout. يقول التعقيب الثاني la deuxième réplique قوله في صفحة خمسة هذا الكتاب لا يتضمن أي مناقشة لآراء السلفية وأفكارهم التي يعرفون بها كما لا يتضمن تصويبا ولا تخطئة لها انتهى la deuxième réplique concerne ce qu'a écrit Ramadan Al-Bouti dans la page 5 où il a dit ce livre dans ce livre il n'y a pas un débat sur les opinions salafis et leurs pensées avec lesquelles ils sont connus et ce livre dedans il n'y a pas le fait de dire que c'est juste ou c'est pas juste il y a où le Cheikh Al-Fawzan ومعنى هذا أن الآراء السلفية قابلة للمناقشة والتخطئة وهذا فيه إجمال لأن السلفية بمعناها الصحيح المعروف لا تخالف الكتاب والسنة فلا تقبل المناقشة والتخطئة Et Cheikh Fawzan de dire en répliqua cette phrase dans la page 5 il dit cela veut dire que les opinions salafies et les positions salafies peuvent être un sujet au débat et qu'on peut dire que ça c'est faux. Il dit, et ça de la part du cheikh, du docteur Ramadan, Saïd Ramadan Al-Bouti, ça c'est une généralité. Car la salafia, dans son sens authentique, connu, il n'y a pas de divergence dedans avec le livre et la sunna. Donc, il n'y a pas à débattre les positions salafies ou à dire les positions salafies sont fausses. Car la salafia, dans sa signification réelle, n'est pas, il n'y a pas de divergence avec le livre ni la sunna. يقول حفظه الله وأما السلفية المدعات فهي محل نظر فهي محل النظر وهو لم يحدد المراد بالسلفية فكان كلامه موهما عاما يتناول السلفية الصحيحة المستقيمة. Il dit Habidallahu Ta'ala, quant à la prétendue salafia, là, bien sûr, il faut voir dedans. Mais il dit, mais Saïd al-Bouti, il n'a pas précisé ce qu'il voulait dire avec le terme salafia. Et donc sa parole amène à confusion, et sa parole elle est générale, et il attaque directement la salafia authentique, la salafia de droiture. يقول التعقيب الثالث في صفحة 12 المقطع الأول يعلل فيه وجوب اتباع السلف بكونهم أفهم للنصوص لسلامتهم لسلامة لغتهم ولمخالطتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى troisième réplique il dit حفظه الله تعالى à la page 12 au premier point il dit qu'il est obligatoire de suivre salaf parce qu'ils comprenaient mieux, parce que leur compréhension de texte est saine, et ils comprenaient mieux les textes parce que leur langue est saine, et parce qu'ils étaient mélangés au messager alayhi salam. Ils étaient en compagnie du messager alayhi salam. يقول الشيخ وهذا فيه نقص كبير لأنه أهمل قضية تلقيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمهم منه وسؤالهم إياه ومشاهدتهم للتنزيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيهم التأويل عنه صلى الله عليه وسلم وهذه مرتبة من العلم لم يبلغها غيرهم وقد أهمل ذكرها وتناساها تماما. الشيخ au commentaire au réplique à ceci il a dit et dans ça il y a une grande diminution car il a oublié le point important, c'est qu'ils ont rencontré le messager alayhi salam, ils ont appris du messager alayhi salam, ils ont posé des questions au messager alayhi salam, ils ont vécu la révélation sur le messager alayhi salam, ils ont appris l'interprétation du messager alayhi salam, et ça c'est un degré de science que personne n'est arrivé à ce degré-là. Et il dit, et il a négligé de citer, ou alors il l'a oublié complètement, ou il a fait semblant de l'oublier complètement. Et il a négligé de le citer. يقول الشيخ الفوزان كما أنه في آخر هذه الصفحة يقرر أن اتباع السلف لا يعني أخذ أقوالهم والاستدلال بمواقفهم من الوقائع وإنما يعني الرجوع إلى القواعد التي كانوا يحتكمون إليها. Il dit aussi, الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى, aussi à la fin de cette page, il confirme que le fait de suivre le salaf ne veut pas dire qu'il faut prendre leurs paroles et prendre leur position comme preuve en ce qui concerne les situations. Mais il faut revenir tout simplement aux règles qui étaient le point de départ de leur jugement. يقول الشيخ الفوزان ومعنى هذا الكلام أن أقوال السلف وأفعالهم ليست حجة. Il dit, cela veut dire, ça veut dire chez Ramadan al-Bouti que les paroles d'Yel Salaf et leurs actes ne sont pas une preuve. يقول وإنما الحجة هي القواعد التي كانوا يسيرون عليها. وهذا كلام فيه تناقض. Il dit, pour lui, c'est-à-dire pour Cheikh Fawzan, de nous montrer pour Ramadan al-Bouti que la preuve pour lui c'est tout simplement les règles vers lesquelles revenaient les salafs. Il dit, ça, ce sont des paroles qui sont en contradiction. لأن معناه أننا نلغي أقوالهم ونأخذ قواعدها فقط. Et ça veut dire que nous allons mettre de côté les paroles des pieux. Et on va prendre tout simplement les règles qui émanent de ces paroles. ونستنبط منها من النصوص غير استنباطهم. Et on va comprendre des textes ce qu'ils n'ont pas compris, une autre compréhension qu'eux n'ont pas compris. يقول وهذا إهدار لكلام السلف. Et ça, c'est la destruction de la parole des salaf. ودعوة لاجتهاد جديد وفهم جديد يدعى فيه أنه على قواعد السلف. Et c'est une da'wa vers un nouveau effort, une nouvelle forme d'effort d'interprétation pour laquelle on prétend qu'il est sur les règles des salaf. Voyez un petit peu, Ikhwat al-Islam, le poison qu'il y a dans ces paroles, dans ces frisas-là. A'oudou billah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fait exister à chaque époque, en tout lieu, en tout temps, des hommes qui sont là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette force et cette clairvoyance pour répliquer le faux, et pour tamiser, et pour purifier. Il ne reste tout simplement, frère en Allah, Azza wa Jal, d'être derrière eux, tout simplement, de ne pas les devancer, et de se cramponner à leur voix. يقول التعقيب الرابع la quatrième réplique في صفحتي الثالثة عشر والرابع عشر ينكر أن تتميز طائفة من المسلمين من بين الفرق المختلفة المفترقة وتسمى بالسلفية ويقول لا اختلاف بين السلف والخلف ولا حواجز بينهم ولا انقسام dans la page 13 et 14 de sa risala il ne reconnaît pas le fait qu'un groupe doit se particulariser parmi les groupes qui existent, les groupes musulmans qui existent, qui sont divisés, qui sont en divergence entre eux, et qui doit s'appeler Salafi. Il dit, toujours les paroles à Ramadan al-Bouthi, il n'y a pas de divergence entre Salafi et Khalaf, il n'y a pas de barrière entre eux, il n'y a pas de division. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله وهذا الكلام فيه إنكار لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم et الشيخ الفوزان de dire et ceci c'est rejeter la parole du messager alayhi salatu wasalam, de ne pas reconnaître la parole du prophète alayhi salatu wasalam, qui dit restera toujours un petit groupe de ma communauté sur la vérité, peu importe ceux de l'intérieur qui veulent les faire faiblir ou les détourner de la vérité, et ceux qui sont en divergence avec eux de l'extérieur. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa satafteriqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida qila man hiya ya rasul Allah qala hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Et la parole du messager alayhi salatu wasalam qui dit et cette communauté se divisera en 73 groupes tous en enfer sauf une. On lui a dit laquelle ya rasul Allah? Il a dit ceux qui sont sur la même voie que moi aujourd'hui et mes compagnons. يقول الشيخ الفوزان فهذان الحديثان يدلان على وجود الافتراق والانقسام والتميز بين السلف واتباعهم وبين غيرهم. Il dit الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ces deux hadiths prouvent que la division existe et que la particularité doit exister entre salaf et leurs disciples et les autres. Il doit exister une différence, une particularité entre les salafis et les autres groupes. Les salafis doivent être particuliers par rapport aux autres groupes. يقول والسلف ومن سار على نهجهم ما زالوا يميزون أتباع السنة عن غيرهم من المبتدعة والفرق الضالة ويسمونهم أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح ومؤلفاتهم مملوءة بذلك. الشيخ الفوزان de nous dire حفظه الله تعالى et les salaf رضوان الله عليهم et ceux qui suivent leur voix n'ont cessé de particulariser les disciples des gens de la sunna, des autres innovateurs et des groupes égarés. Et ils les appellent les gens de la sunna et de l'unanimité. Et ils les appellent les disciples des pieux aïeux, Ridwanullah alayhim. Et leurs écrits sont remplis de ces expressions. يقول حيث يردون على الفرق المخالفة لفرقة أهل السنة وأتباع السلف en répliquant aux groupes qui sont en divergence avec le seul groupe de la sunna et ceux qui suivent les pieux aïeux والدكتور يجحد هذا ويقول الاختلاف بين السلف والخلف ولا حواجز بينهم ولا انقسام. Il dit, et Cheikh Fawzan de dire, et le docteur, il ne reconnaît pas ça. Il dit qu'il n'y a pas de divergence entre Salaf et Khalaf, il n'y a pas de barrière entre eux, il n'y a pas de division. Il dit le Cheikh Fawzan, وهذا إنكار للواقع مخالف لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجود الانقسام والافتراق في هذه الأمة وأنه لا يبقى على الحق منها إلا فرقة واحدة. Il dit, حفظه الله تعالى, ceci c'est le fait de ne pas reconnaître la réalité de la situation et de ne pas reconnaître cette réalité que nous a annoncé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui a annoncé qu'il va y avoir la division et qu'il va y avoir des groupes dans cette communauté et que va rester sur la vérité qu'un seul groupe. At-taqib al-khamis, la cinquième réplique, de la page 14 à la page 17. يحاول أن يبرر قوله بعدم وجود وجوب الأخذ بأقوال السلف وأعمالهم وتصرفاتهم بأن السلف أنفسهم لم يدعوا الناس إلى ذلك وبأن العادات تختلف وتتطور في اللباس والمباني والأواني إلى آخر ما ذكر. إذ لا باج 14 à 17 il essaye de trouver une raison et des excuses pour ne pas mettre une application, les paroles des piséeux, les paroles des piséeux de Allah alayhi, et leurs actes, et leur façon de faire, en disant que les salafs eux-mêmes n'ont pas appelé à ceci, et que les coutumes sont différentes d'un endroit à un autre, etc., et que les coutumes évoluent, et que la situation évolue, que ce soit dans les constructions, ou que ce soit dans les vêtements, que ce soit les ostensiles, et ainsi de suite. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله وهذا الكلام فيه جهل وخلط وتلبيس من وجهين. Il dit حفظه الله تعالى, dans ces paroles, il y a de l'ignorance, il y a de le mélange et le déguisement de la situation par deux points. الوجه الأول قوله إن السلف لم يدعو إلى الأخذ بأقوال السابقين. أنت. Le fait qu'il ait dit, premièrement, le fait qu'il ait dit que les salafs n'ont pas appelé à mettre en application les paroles des premiers. يقول وهذا كذب عليهم. فإن السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين يحثون على امتثال ما أمر الله ورسوله به من الاقتداء بالسلف الصالح والأخذ بأقوالهم والله قد أثنى على الذين يتبعونهم فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار سورة التوبة. وقال صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الشيخ الفوزان de dire ceci, c'est un mensonge sur salaf. C'est un mensonge sur Salaf, car Salaf, parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, leurs successeurs et les imams du musulman, incitent les gens et orientent les gens à se soumettre à l'ordre d'Allah et du messager, en prenant comme exemple dans tout ça les plus aïeux, ridwanullah alayhim, et en mettant en application leurs paroles, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge à ceux qui les suivent. À ceux qui suivent Salaf, il est dit dans le verset Sabiqoun, les premiers parmi les immigrants qui ont quitté la Mecque vers Médine, et l'Ansar, les alliés qui les ont accueillis à Médine, et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et eux ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé des jardins, etc., jusqu'à la fin du verset dans le surat Tawbah, verset 100. Et le prophète alayhi salam a dit du groupe sauvé, ceux qui sont sur la même voie que moi aujourd'hui, moi et mes compagnons. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa inna al-hayya la tu'manu alayhi al-fitna ulaika ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abarra an-nas qulubahum quluban wa aghzarahum 'ilman wa aqallahum takallufa. Et rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, comprenez-vous à ma sunna et la sunna du khalif bien guidé après moi. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, Celui qui veut prendre une voie, qu'il prend la voie de ceux qui sont morts. Car le vivant, tu n'es pas épargné de sa fitna, tu n'as pas la sécurité de la fitna du vivant. Ceux-là, ce sont les nobles compagnons de Muhammad, du messager d'Allah. Et ils avaient des cœurs qui étaient soumis, qui étaient propres, qui étaient dévoués pour Allah. Et ils avaient beaucoup de science, et ils s'imposaient peu de choses. Hein? وقال الإمام مالك بن أنس لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها إلى غير ذلك مما تضمنته الكتب المؤلفة في عقائد السلف والمسمات بكتب السنة ككتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب السنة للآجوري وكتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرها تذكر أقوال السلف وتحث على الأخذ بها. Et aussi ce qu'il a dit l'imam Malik rahimahullah, l'imam Malik ibn Anas, ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de la communauté. Et d'autres paroles qui sont contenues dans les livres écrits dans les croyances, ou les livres des pieux qu'ils ont écrits sur les croyances, et ces livres ils les ont appelés la sunna, comme la sunna de Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, comme la sunna de l'imam Ajouri, comme la sunna d'Ibn Abi Asim et d'autres, qui citent les paroles des salafs, et qui incitent au fait de mettre en application, de se cramponner aux paroles des salafs, ridwanullah alayhim. يقول الشيخ الوجه الثاني أنه جعل مسائل العيادات كالمباني والأدوات والملابس كمسائل العلم والعقائد والعبادات تختلف باختلاف الأزمنة والأعراف وهذا منه جهل أو تلبيس فإن الفرق في ذلك معروف لأقل الناس ثقافة وعلما كل يعرف أن العادات تختلف وأما العبادات وأحكام الشريعة فهي ثابتة. Le deuxième point de réplique à l'erreur, à la cinquième erreur à laquelle fait la réfutation Cheikh Fawzan Hafidhahullah Ta'ala, il dit c'est que Ramadan al-Bouti a fait que les sujets qui concernent les coutumes, comme les constructions, comme les ustensiles, comme les outils, comme les vêtements, il a fait que ce soit comme la science, et comme les croyances, et comme les adorations. Et que, hein, ils sont différents d'une époque à une autre, et selon les coutumes. Et il dit ça, c'est une ignorance de sa part, ou c'est un déguisement de sa part. Car la différence entre les deux points, il est connu à tout un chacun qui a un peu de culture et un peu de science. Chacun sait que les coutumes sont différentes. Mais quant aux adorations et aux lois de la législation, ils sont identiques, ils sont les mêmes, ils ne changent pas à travers les siècles et à travers les lieux. At-taqib al-sadis, la cinquième réplique, à la page fi safhat al-thamina 'ashar المقطع الأخير يقول إن السلف لم يجمدوا عند حرفية أقوال صدرت عنهم انتهى. La sixième réplique concerne ce qui est dans la page 18, vers la fin de cette page, où Ramadan al-Bouti il dit salaf n'ont pas stagné sur leurs paroles, n'ont pas stagné sur les paroles qu'ils ont, hein, qu'ils ont sur les opinions, sur les paroles qu'ils ont dites. ومراده أن السلف لا يبقون على أقوالهم بل يتحولون عنها ومن ثم لا يجب علينا الأخذ بأقوالهم وهذا في إجمال فإن كان مراد أقوالهم في العقيدة فهو كذب عليهم لأنهم ثبتوا على قولهم في العقيدة ولم يتحولوا عنها وإن كان مراده أقوالهم في المسائل الاجتهادية فهم لا يجمدون على القول الذي ظهر لهم أنه خطأ بل يتركونه إلى الصواب إلجي حفظه الله تعالى. Ici, c'est ce qu'il a voulu dire par là, que salaf ne reste pas sur leurs paroles. Ils changent d'opinion. Et donc, partant de là, il ne faut pas prendre leurs paroles. Il dit, il cherche de nous dire ça, c'est une généralité. C'est une expression générale. S'il veut dire par ça que leurs paroles changent dans l'aqida, c'est faux. C'est un mensonge sur eux. Car ils étaient fermes sur l'aqida, ils n'ont jamais bougé de leur croyance. Ici, il veut dire par là, il veut désigner par là leurs paroles, dans les sujets où il y a la place à l'effort d'interprétation. Il est évident que Salaf ne stagnait pas sur une parole. Quand il leur apparaît l'erreur dans la parole, il la laisse, il revient vers la vérité. Regarde à l'islam, comment les hommes de science épluchent les paroles, comment ils regardent le moindre au détail dedans. Si tu peux lire, certains parmi nous disent, je vais lire, je vais prendre le vrai, je vais laisser le faux. Hein? Et tout d'un coup tu trouves qu'il est tombé sur sa tête dans les gérants de la Hizbiya et de l'innovation. Ne sois pas un but de toi, frère en Allah, Azza wa Jal. Reste à ta place. Reste à ta place et crampons-toi à la voix de tes pisels et reste derrière les hommes de science. At-taqibu as-sabi'. La septième réplique. قوله فكل من التزم بالمتفق عليه من تلك القواعد والأصول وبنى اجتهاده وتفسيره وتأويلاته للنصوص على أساسها فهو مسلم ملتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et la septième réplique où Ramadan Bouti dit ceci, tout un chacun qui se cramponne au point sur lequel, aux règles sur lesquelles il y a l'unanimité, c'est-à-dire les règles, comme il a dit auparavant, les règles vers lesquelles revenaient Salaf pour leur jugement. Tout un chacun qui se cramponne aux règles et au fondement sur lequel il y a leur animité, et qu'il construit son effort d'interprétation là-dessus, et son interprétation des textes là-dessus, et les musulmans, et c'est quelqu'un qui se cramponne au livre et à la sunna. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله نقول ضابط الإسلام قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يقول الشيخ فالمسلم هو الملتزم بالإسلام المقيم لأركانه فلا حاجة إلى هذا التعريف الذي ذكره مع تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, Habibullah ta'ala, nous disons que le point de maîtrise en ce qui concerne l'islam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairé sur l'islam, hein, dans le hadith du Jibril, alayhi salatu wassalam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est que tu attestes qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu gèles le mois de Ramadan, que tu fasses ton pèlerinage si tu le peux. Et si tu en as les moyens, et Cheikh Fawzan de nous dire, le musulman, c'est celui qui se cramponne à l'islam, et qui accomplit les piliers de l'islam. Donc, il n'y a pas besoin de ramener cette définition qu'a citée ici, avec la définition qu'a donnée le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas à avoir à donner cette définition qu'a donnée, hein, Ramadan al-Boufi. Yaqul le Cheikh Hafidhahullah, il doit la mettre, il doit la ramener devant la définition du messager alayhi wa sallam. يقول الشيخ الفوزان ثم إن تعريفه في إجمال وعدم وضوح فهو يتيح لكل أحد أن يفسر الإسلام بما يريد. Il dit sa définition, c'est une définition générale, il n'y a pas d'éclaircissement dedans, il donne la possibilité à tout un chacun d'interpréter l'islam comme il veut. يقول الشيخ يدل على ذلك قوله فيما بعد نعم إن من قواعد هذا المنهج ما قد يخضع فهمه للاجتهاد ومن ثم فقد وقع الخلاف إلى آخره. Il prouve cette parole qui suit après, lui, fait partie de ces, des règles de cette voie, fait partie de ces règles, des règles qui sont soumises, que leur compréhension est soumise à l'effort d'interprétation. Et partant de là, il y a eu la divergence. C'est-à-dire que les règles sur lesquelles il y a salaf, hein, sont sujets, on peut émettre un effort d'interprétation pour les comprendre. Et partant de là, il y a la divergence, etc. يقول الشيخ عبد الله فهل الإسلام قابل للاختلاف؟ Et cher de poser la question, est-ce que l'islam accepte les divergences, qu'on diverge sur l'islam? Est-ce que l'islam accepte qu'on diverge dessus? Yaqul kalla bal inna usul al-islam wal-aqidati laysat majalan lil-ijtihad wal-ikhtilaf wa innama hada fi al-masail al-far'iyya فمن خالف في أصول الدين وعقيدته فإنه يكفر أو يضلل بحسب مخالفته لأن مدارها على النص والتوقيف ولا مصلحة للاجتهاد فيها. الشيخ الفوزان دي نو الفوندمون دو الإسلام ainsi que la aqida y a pas de place à l'effort de l'interprétation ni à la divergence. Il y a de la place pour l'effort d'interprétation et pour la divergence dans les branches, dans les actes, dans le masail et le faraïa. Et celui qui est en divergence avec l'un des fondements de la religion ou de la aqida, soit il devient mécréant, soit il est égaré selon le degré de sa divergence. Car les fondements de la religion et la aqida, leur pivot et leur base, c'est le texte. Ils sont décrétés. Il n'y a pas de place à l'effort d'interprétation. En Allah Azza wa Jal, après ce que vous avez entendu, et cette réplique, cette forte réplique, très claire, dans les expressions, est-ce que quelqu'un peut croire que Cheikh Al-Fawzan, après ça, interdit le fait de s'appeler salafi. Et que Cheikh ne voit pas le fait de répliquer. Subhanaka hada buhtanun azim. Ceci est un énorme mensonge. Fas Allah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yufaqihna wa iyaakum fi dinina, waj'alna wa iyaakum min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum, wa ahsallahu ilaykum, wa jazakum Allahu khairan.